explorateur de l'énergie. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Est-ce que cette catégorie englobante, Dieu, est bel et bien valable pour parler des autres? Cette semaine, de la question religieuse. La notion de religion, en fait, est une notion moderne, est une notion qui date du XVIIIe siècle, en gros. Monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Cette notion de monothéisme, comme celle de polythéisme, ne correspond à rien. D'ailleurs, la plupart des historiens des religions antiques rejettent ces notions et passent leur temps à en faire la critique. Quand on considère à partir d'où cette question commence sérieusement à se poser, on découvre qu'elle vient essentiellement des penseurs chrétiens. À l'automne 2019, au bon vieux temps de la circulation libre, s'est tenue une table ronde au CNRS à Paris autour des usages de deux termes, monothéisme et polythéisme. Dans quelle mesure ces termes d'usage courant étaient-ils suffisamment représentatifs et précis, ou peut-être d'usage trop vague, trop général? Afin de se faire une idée des échanges, nous avons choisi avec David Golan, réalisateur de cette semaine, de vous en faire entendre des extraits, en commençant de suite par Philippe Borgeot, professeur honoraire d'histoire des religions de l'Université de Genève. Alors, je commencerai par ce qu'on appelle le monothéisme dont l'invention serait attribuée à Moïse. Tout comme Prométhée aurait voulu distinguer les dieux des mortels, par krisis, du verbe krinein, le Moïse d'Asman aurait distingué le monothéisme du polythéisme ambiant. Eh bien, voilà, je n'ai pas de jugement à apporter sur cette position-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment les Grecs ont vu ça. Et je pense que c'est intéressant de regarder, parce que les Grecs sont fortement concernés quand même par cette histoire. Comment est-ce qu'ils ont pu concevoir cette distinction? Je ne vais pas refaire ici l'état de la question, je me contenterai de quelques allusions. Chez Lysimaque, Moïse enjoint à son peuple, lors de l'Exode, de renverser les temples et les autels des dieux qu'ils rencontreraient sur leur route. Ils se dirigent ainsi par-delà le désert vers des terres habitées où ils font violence aux dieux avant de fonder la ville du sacrilège, Hierosula, dont le nom fut plus tard transformé en Jérusalem. Pline l'Ancien, qui se fait le relais d'une susceptibilité romaine exacerbée, parle d'un peuple célèbre par son mépris des dieux, gens insignis contumelia numinum. La transmission de ce préjugé conduit jusqu'à l'avènement du christianisme. C'était déjà, comme un athée, et non pas comme un monothéiste, un athée violent que Manéthon, précurseur de ce stéréotype, présentait son Nozarzef. Il le montrait prenant la tête d'une expédition contre l'Égypte et ses dieux. Alors, voilà, c'est très brutal, mais j'en retiens que les anciens ont généralement interprété ce que nous appelons monothéisme, un concept dont la perception en réalité leur échappe complètement, comme une forme d'athéisme, de négation des dieux. Apollonios Melon traite littéralement les juifs d'athées et misanthropes. La pertinence du concept de monothéisme dans ces conditions ne va pas de soi. Il convient d'ailleurs de rappeler le fait que le mot monothéisme n'existe pas en grec. Plutôt qu'un contraste tranché entre ce que nous appelons polythéisme et monothéisme, ce qu'on peut observer dans le monde ancien est la mise en œuvre conjointe de plusieurs polarités qui ne se laissent pas réduire les unes aux autres. Entre athéisme et superstition, transcendance et immanence, un est multiple. Alors maintenant, quand on considère d'où est finalement issue notre question de monothéisme versus polythéisme, à partir d'où cette question commence sérieusement à se poser, on découvre qu'elle vient essentiellement des penseurs chrétiens, et que de ce fait, il est nécessaire, pour échapper à toute idéologie inconsciente, christiano-formatée que nous sommes, que l'on redéfinisse ce qu'on entend en sciences humaines, des religions, par Dieu. Alors même que théos, polus, monos sont des mots grecs, la question nous vient du latin. Le latin des pères de l'Église, via les biblistes du XVIIe et les missionnaires. C'est Deus. Deus, dont Lactance affirme qu'il reçoit le nom qui convient pour désigner celui qui n'a pas besoin d'un nom propre, puisqu'il est seul. Alors là, on rencontre ce que nous appelons monothéisme. Hein. Étant seul, seul vrai Dieu, Deus, entendu comme nom propre, est donc distingué explicitement et sans ménagement de l'infinie multiplicité des déis, des dieux au pluriel, qui pullulent dans les provinces de l'Empire et qui ne sont pas de vrais dieux, mais qui, eux, ont des noms. Zeus, Jupiter, Héra, Junon, Minerve, Apollon, etc. Deus est choisi pour désigner l'innommé et pour distinguer cet innommé des autres dieux, comme la vérité est distincte de l'erreur. C'est ici, à mon sens, qu'on rencontre la distinction, la vraie distinction qui est post-mosaïque. Lactance définit la vérité comme arcane du Dieu suprême. Veritas idest arcanum sum mi dei. Ce Dieu n'est pas seulement suprême, il est aussi Dieu singulier et vrai, singularis et verus. Cet usage de Deus via la Vulgate et les Pères de l'Église va perdurer. On peut dès lors se demander avec Lactance si les autres ont aussi quelque chose, une ou plusieurs choses, peu importe, qui ressemble à cet être unique et mystérieux que les missionnaires de l'époque moderne appellent encore en ce latin qui est leur langue de référence, Deus. Lactance a déjà répondu, bien sûr, c'est non. Donc il n'y aurait pas de polythéisme. Retenons simplement que face au Dieu singulier, il ne peut y avoir qu'un polydémonisme, mais pas de polythéisme. On ne devrait donc pas adopter, sans la plus grande prudence, l'usage du mot Dieu, quand on se demande, à l'occasion de nos voyages, de rencontres, enfin de nos expériences, ce qu'il en est réellement des devas, des bouddhas, des kamis, des fétiches, des maîtres des animaux, et d'innombrables autres instances irréductibles à la notion chrétienne de Deus. Semblable à Tacite ou à César, semblable à eux, les ethnologues contemporains pratiquent pourtant volontiers l'interprétatio, et n'ont pas nécessairement la même prudence que les historiens. Ils usent souvent de la catégorie Dieu pour désigner des instances aussi éloignées de Deus que les représentants des espèces d'animaux chez les peuples chasseurs, ces souverains du monde naturel traditionnellement désignés comme maîtres des animaux. Cette apparente ouverture les rapproche des anciens. Renvoyant à de grands précurseurs, l'anthropologue de Chicago Marshall Salins fait remarquer que si l'on hésite à mettre Sedna, la maîtresse de la mer et des phoques chez les Inuits, ou d'autres entités semblables dans la catégorie Dieu, si on hésite à en faire des dieux, le risque alors serait de commettre un acte d'intolérance en refusant d'accorder l'appellation Dieu à cet être étrange à cause d'une préconception chrétienne. Les candidats exotiques ne rempliraient pas les bonnes conditions, celles qu'édicte le dogme judéo-chrétien. C'est quand même curieux comme raisonnement. On peut retourner très facilement cet argument qui présuppose curieusement l'existence de Dieu d'abord, et supposé, et sa respectabilité en tant que modèle. C'est curieux. Ne pas qualifier Sedna de déesse revient au contraire, me semble-t-il, à la préserver de nos préconceptions. Marshall Salins, par ailleurs, constate que même les sociétés dites acéphales ou égalitaires ont des formes de gouvernance qu'on peut qualifier de cosmiques. Les sociétés dépourvues de pouvoir hiérarchique, par exemple chez les Inuits ou les aborigènes australiens, sont tout autant ordonnées et gouvernées, structurellement et pratiquement, que le sont des sociétés considérées à tort comme plus évoluées. Mais elles se disent gouvernées par des « divinités », entre guillemets, c'est le terme qu'il utilise lui, hein, c'est-à-dire des êtres puissants, étrangers à l'humanité des vivants. Les ancêtres, les maîtres des animaux ou d'autres « métapersonnes », comme il dit, sont dotés de pouvoirs de vie et de mort sur la population humaine. Il y a donc des êtres souverains dans le ciel ou ailleurs, même là où sur terre il n'y a pas de chef, sinon occasionnellement. Quoi qu'en ait dit Hobbes, c'est Salins qui dit ça, l'état de nature est déjà un état politique. Il s'ensuit que considéré dans sa totalité sociale et sa réalité culturelle, une sorte d'état accompagnerait la condition générale de l'humanité. C'est ce qu'on appelle machinalement religion, précise Salins. Alors, à propos de ces êtres désignés comme métapersonnels, je pense sur le modèle de métaphysique, Je crois constater que les anthropologues ont effectivement tendance à les situer dans le contexte d'un mode d'action relevant de la sphère sociale. Les dieux, entre guillemets, sont liés au pouvoir et donc d'une certaine manière à l'État, même avant l'État. Et là on pourrait lire Clastres par exemple, des gens comme ça. De ce point de vue, et alors là je retombe dans notre champ d'étude à nous plus proche. De ce point de vue, l'étude classique d'Arnaldo Momigliano sur les désavantages du monothéisme pour un état universel, cette étude est révélatrice du gouffre qui arrache les chrétiens au monde environnant. Momigliano, on s'en souvient, constatait que les païens de l'époque impériale, avant Julien, Julien qui en fait reste chrétien dans sa manière de voir les choses, en tout cas sous ce point de vue-là, les païens n'ont pas théorisé le rapport du polythéisme à l'Empire. Aujourd'hui, 33 ans après cet article, que je considère comme visionnaire, on peut dire encore plus explicitement que si les pas encore chrétiens de l'Empire n'ont pas théorisé le rapport de la pluralité des dieux à la gestion d'un empire multiculturel, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas la notion de Dieu au sens chrétien, opposant un Dieu unique et omnipotent à une multiplicité de démons. En conclusion, je dirais qu'on aurait tort de radicaliser l'opposition entre ce qu'on appelle un peu vite monothéisme et polythéisme. Pour le polythéisme, dans la pratique, ce qu'on observe est complexe et extrêmement diversifié. Là, je crois que tout le monde sera plus ou moins d'accord. Pour le polythéisme, je me contenterai de rappeler que les anciens Grecs, qui vénéraient d'innombrables dieux, pouvaient tout à fait parler de dieux au singulier. L'un ne contredit pas le multiple. Il en va de même inversement de ceux qu'on appelle monothéistes. En un mot, plutôt que d'interpréter nos terrains en fonction des questions inventées par le christianisme et continuer d'opposer monothéisme à polythéisme, il faudrait prendre du recul et considérer les choses de très très loin. Et pourquoi pas carrément depuis la préhistoire, celle d'avant même le néolithique, où l'on est bien en peine d'identifier des entités que l'on pourrait appeler Dieu. On pourrait ici, au niveau des images et de leurs très compliqués souterrains et obscurs ateliers, penser, pour expliciter quelque peu mon allusion au paléolithique, aux peintures d'Altamura, de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Les dieux ont disparu de la scène. Les paléontologues doivent faire des travaux énormes et des réflexions infinies pour essayer de suggérer qu'il y a des dieux là-dedans, hein, parce qu'on ne les voit pas. Hein. Mais on découvre un univers d'images qui joue avec le réel. Un réel animalier, en l'occurrence. On ne voit pas les dieux à supposer qu'il y en ait. Pour citer Marcel Détienne, qui aimait explorer les configurations en perpétuelle métamorphose, tout s'en mêle. On se souvient de son introduction au dossier « Qu'est-ce qu'un dieu ?» dans la revue de l'Histoire des religions en 1988. Je cite « Qu'est-ce qu'un dieu ? L'empreinte d'un pied sur le sable ? Un miroir de métal ? Un trône vide ? Une odeur ? Un silence ? L'inconnaissable dans son essence ? Nos archives débordent, regorgent de puissance, de divinité, de dieu, des grands, des petits, des minables, de tout poil, de toute couleur, drôles, pitoyables, transcendants, ronds de cuir, des dieux en pagaille. Le point de vue de Détienne est un point de vue comparatiste. De ce point de vue, et ça j'en suis intimement persuadé, et que c'était aussi son point de vue fondamental, mais il ne l'a pas dit comme ça, il a continué de parler de polythéisme et de monothéisme, mais je pense que de son point de vue de comparatiste, la distinction entre monothéisme et polythéisme n'a simplement aucun sens. Il n'y a que du polythéisme. Après Philippe Borgeot, professeur honoraire d'histoire des religions de l'Université de Genève, que nous entendions lors de son intervention dans cette rencontre autour de monothéisme et polythéisme, interrogeant les usages que ces termes recouvrent et peut-être aussi leurs limites, les organisateurs de cette rencontre qui s'est tenue à la fin de l'année 2019 avaient également choisi d'ouvrir chronologiquement, géographiquement et culturellement l'éventail. En débordant du seul cadre de l'antiquité européo-judéo-chrétienne et en laissant entendre comment ces termes, monothéisme et polythéisme, résonnaient en Extrême-Orient. Ils ont pour cela choisi de faire appel à Vincent Gossert, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Un groupe de très éminents collègues, il y a une vingtaine d'années, ont publié dans la belle revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, un numéro qui s'appelait « La Chine, une société sans théologie ». Mais en fait, ils avaient tort. C'était pour remplacer la théologie par la cosmologie. Alors, l'argument sur l'importance de la cosmologie était évidemment très pertinent. Mais, alors peut-être que je ne lis pas tout à fait les mêmes choses que mes éminents collègues, mais j'ai le sentiment que la Chine est de longue date une société totalement saturée par la théologie. Et donc, par conséquence, en termes émiques dans le discours, il y a beaucoup de textes sur la nature du divin. Qu'est-ce que le divin ? Est-ce qu'on peut l'atteindre ? Comment interagir avec le divin ? Mais pas de nombre de dieux. Et sans doute en conséquence de ce fait, on trouve aussi très peu l'usage des termes monothéisme et polythéisme dans la littérature scientifique, donc en termes éthiques, en dehors bien sûr de la discussion de l'islam et du christianisme chinois, sur lequel je reviens dans un moment. On trouve quelques cas, mais c'est tout à fait marginal. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais en réalité, je pense que la Chine permet de revisiter la question, parce qu'on peut y trouver les deux, bien entendu, on peut y trouver du polythéisme. Il suffit de se promener dans un village chinois, un grand nombre de temples, un grand nombre de divinités, de dieux auxquels on rend un culte, on offre des sacrifices, etc. Un grand nombre de réformes sacrificielles, mais elles n'ont jamais vraiment réussi. Donc la religion sacrificielle chinoise est bien vivante. Mais on peut aussi y trouver ce qu'on peut appeler du monothéisme. Simplement, les chercheurs n'ont pas choisi d'utiliser ces catégories-là pour décrire ce qu'ils lisaient et voyaient. Donc, il paraît intéressant de savoir pourquoi on peut rencontrer du polythéisme et du monothéisme et simplement ne pas trouver pertinent ou utile d'utiliser ces catégories. Alors, avant d'expliquer pourquoi on arrive à cette situation-là, une remarque qui n'est pas tout à fait incidente, qui est que, comme nous le savons tous, il y a un rapport assez étroit entre la langue, ses possibilités grammaticale, syntaxicale, et la pensée qu'on développe dans cette langue. Or, il se trouve qu'en chinois, aussi bien le chinois classique, dès les plus anciennes attestations, deuxième millénaire avant notre ère, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de marque du pluriel. On peut, évidemment, très aisément, de différentes façons, exprimer le pluriel. Il n'y a aucune difficulté pour ça. Mais on n'est pas obligé de le faire. Okay. Donc la phrase très simple du chinois de la rue, hein, ou aussi une chaîne, ou moi, signe, croire, terme est relativement récent dans ce sens-là, mais peu importe, chaîne des dieux. Donc on peut traduire par « je crois en Dieu », si vous êtes protestant, c'est la façon normale, on vous dirait « je crois en Dieu ». Ça peut aussi vouloir dire « je crois en un dieu », si vous trouvez dans un temple ou dieu de la guerre, vous pouvez dire ça. Et ça peut aussi se traduire par « je crois en les dieux ». Toute traduction parfaitement grammaticalement valable. Donc, évidemment, si vous avez cette discussion-là dans la rue, vous pouvez immédiatement demander à votre interlocuteur de préciser. Quand vous avez les plus anciens textes que nous ayons qui parlent des cultes et du rapport aux dieux, qui sont les inscriptions oraculaires de la fin du deuxième millénaire avant notre ère, qui parlent beaucoup d'être, qui s'appelle Di. Après, le terme a été utilisé par les empereurs, donc en chinois moderne, ça veut plutôt dire empereur, mais c'est parce que les empereurs étaient des dieux, évidemment. Mais dans les textes anciens, manifestement, c'est ce qui se trouve de plus haut dans les différentes entités auxquelles on voue des sacrifices et auxquelles on pose des questions par la divination. Et on a beaucoup de travaux sur ces Di, leur culte, etc., et on ne sait toujours pas si c'est un ou plusieurs. Voilà, donc on a des travaux là-dessus. Simplement, ces travaux, encore une fois, n'ont pas été rédigés, pensés, structurés en termes de monothéisme ou polythéisme. Alors pourquoi ? Peut-être une piste pour essayer de s'approprier cette question, c'est de remarquer qu'il y a, tout au long de l'histoire religieuse, intellectuelle de la Chine, plusieurs ontologies ou cosmologies qui coexistent et qui ne se recoupent pas avec des religions ou institutions ou écoles de pensée bien identifiées. Elles coexistent, y compris dans les mêmes textes, assez fréquemment. Et certaines de ces ontologies posent l'existence a priori de Dieu, capacité à déterminer nos existences et donc la nécessité pour les humains de leur rendre un culte. D'autres sont très émanatistes. Par exemple, on a tous lu un jour ou l'autre une traduction du Tao de Jing, hein, du vide naît le Tao, du Tao naît le 1, du 1 naît le 2, du 2 naît le 3, du 3 naissent les 10 000 choses, c'est-à-dire l'univers phénoménal. Voilà. Donc on a là une pensée émanatiste qui n'est pas la seule ontologie, mais qui est très importante, qui continue à être bien présente, qui valorise énormément le retour à l'un, hein, qui pense la façon dont la multiplicité n'est qu'une une forme, disons, déployée, dégradée d'une existence supérieure qui est unique. Le culte de Taï, le grand un, l'unité suprême, qui est une divinité personnelle, très importante sous l'Antiquité. Donc, on a toutes ces choses-là qu'on pourrait décrire, ce serait intellectuellement, sans doute pas sans problème, et ce ne serait pas du tout incohérent, comme un monothéisme. Alors après, on ne le fait généralement pas. Pourquoi ? Parce que je pense que le débat se situe ailleurs. C'est, le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tous les dieux, tous les chênes, auxquels donc on bâtit et pour qui on bâtit des temples, on offre des sacrifices, on adresse des prières, etc. Alors, ces entités-là, on peut les traduire en français par dieux ou par saints. D'autres termes, possibilités encore, mais enfin, c'est les deux possibilités les plus logiques et cohérentes. Le problème, c'est que c'est les deux à la fois. Et le choix entre ces deux façons de voir les choses est fait par les historiens, anthropologues et autres savants qui travaillent sur ces questions-là, non pas en fonction d'une sorte de position théologique, monothéisme, polythéisme, mais plutôt d'une vision de la société. Pour simplifier les choses à l'extrême, c'est est-ce qu'on regarde les choses d'en haut, c'est-à-dire l'État impérial et les institutions taoïstes, ou est-ce qu'on regarde les choses d'en bas, à savoir les pieds dans la boue des villages, observer et parler avec les villageois, savoir quels seront leurs rapports avec les dieux. Si on voit les choses d'en haut, toutes ces entités-là ont des titres et des fonctions qui leur sont données par l'État impérial, par les divinités suprêmes, par l'intermédiaire des taoïstes, etc. Donc on a quelque chose de hiérarchisé, d'organisé, où toutes ces divinités sont tenues dans un système, et donc on peut les traiter comme des saints. Donc ne remettent pas du tout en cause le statut ontologiquement tout à fait différent, séparé d'une entité suprême qui peut être par exemple le Dao divinisé. Parce que il y a pas de discours du monothéisme, il y a un discours du créateur dès les textes antiques, le Tsao Huazhe, celui qui ou ceux qui créent et transforment les êtres et les choses, qui est une façon de désigner le Dao. Le Dao peut être une force spontanée, naturelle, dans le principe vital de l'univers, mais il peut être personnalisé. Dans certains textes, il est tout à fait personnalisé. Donc si on voit les choses d'en haut, toutes ces entités sont des saints, c'est-à-dire que elles ne contredisent pas la possibilité de penser l'organisation des instances sur un mode monothéiste. Mais si on voit les choses d'en bas, on parle aux gens, ils disent pas du tout. Bon, certes, il a un titre, parce qu'il faut bien un titre, mais l'autonomie de nos divinités est absolue. Ils ne tiennent leur pouvoir de transformer leur vie que d'eux-mêmes. Ils ne dépendent en aucune façon de quelque chose d'extérieur à eux. On rethéologise un peu le discours villageois, si vous voulez, mais en gros, c'est ça. Et donc là, on est dans quelque chose qu'il paraîtrait plus logique de qualifier de polythéisme, dans la mesure où il n'y a pas de rapport significatif qui lie ces différents dieux. Ils sont tous parfaitement suffisants à eux-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux discours-là coexistent, ne sont pas des religions différentes, ce ne sont pas des écoles de pensée différentes, ce sont les mêmes discours sur les mêmes dieux qui peuvent être tenus par des personnes différentes, mais éventuellement par les mêmes personnes dans des contextes différents, dans des genres différents. Donc c'est à la fois polythéiste et monothéiste, si vous voulez, et donc c'est sans doute pour cette raison-là que ces deux catégories-là, si elles sont les deux à la fois, leur utilité heuristique paraît quand même très fortement affaiblie. Pour les entités locales qui construisent des temples et qui offrent les sacrifices, le dieu est l'expression de leur autonomie, leur territoire, leur histoire, leur identité. Et bien sûr, il y a un État impérial au-dessus et il faut lui payer des taxes. Mais leur adhésion est extrêmement réticente et limitée. Et l'attachement à l'autonomie fondamentale de leur communauté, leur territoire, leur économie, leur produit, s'exprime dans l'unicité, la différence et l'autonomie de leurs dieux. Et évidemment, le discours qui vient d'en haut est le discours complètement inverse, c'est-à-dire tous ces dieux ne sont que des agents, des représentants de quelque chose d'unique qui est le pouvoir impérial, pouvoir impérial étant lui-même simplement une émanation de Shangdi, le Di, donc c'est le dieu suprême, Shang veut dire supérieur en haut. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on introduit le concept de monothéisme en Chine ? Alors, il se passe des choses évidemment très intéressantes, aussi bien sous l'effet des missionnaires musulmans que chrétiens. Et une des choses qui se passe, c'est qu'il faut essayer de trouver un nom en chinois pour Dieu. Alors, bon, ça c'est tout un champ d'études, il y a beaucoup de travaux et de publications passionnants sur ce sujet. Je reprends ça extrêmement brièvement. Il y a eu des tentatives pour exprimer la différence absolue aux yeux des auteurs musulmans que chrétiens entre leur dieu et les dieux des Chinois, d'exprimer cette différence en simplement en faisant une translittération phonétique, aussi bien de Allah que... ça n'a pas pris du tout, ça n'a pas marché, donc il a fallu se rabattre sur les termes chinois. Et ils ont essayé de trouver les termes chinois qui renvoyaient à une unicité, voilà. Mais le problème, c'est que tous ces termes-là qui ont été pris, donc j'ai évoqué le terme Shen, qui est vraiment des entités qui s'appellent Shen, il y en a des centaines de milliers. Et il y a même des manuels taoïstes qui vous expliquent comment créer un Shen. Puis on devient soi-même un Shen quand on meurt, si on a une bonne vie. Donc voilà, c'est très intéressant de prendre le terme le plus courant pour désigner la multiplicité des entités divines pour traduire Dieu. Les catholiques ont plutôt choisi Shangdi, donc ce que je viens d'évoquer, donc le Di supérieur, mais le fait même qu'il est également un terme extrêmement courant dans la culture religieuse chinoise pour désigner le dieu du ciel, quoi. C'est le sommet du panthéon. Mais c'est pas la divinité la plus élevée, parce qu'il est, c'est un humain qui a vécu, donc qui est vémérisé, et il se trouve en dessous, il est présent en ce monde, donc il est tellement très important, et il commande à tous les autres divinités, qui sont également des humains défunts à diviniser, mais il se trouve en dessous des divinités pures, donc qui ne se sont jamais incarnées, et à qui on rend aussi un culte. Voilà. Et donc c'est le terme qui malgré tout a été choisi. Donc voilà, grande difficulté. Alors les musulmans ont pris Zhenzhu, hein, le vrai seigneur, littéralement, sauf que Zhen et son usage habituel en chinois, c'est de désigner les immortels, et qu'on traduit, faut traduire au pluriel, hein, parce que des Zhen, il y en a plein, puisque si vous pratiquez bien, que ce soit l'alchimie ou d'autres techniques de transformation de soi, vous pouvez devenir Zhen, c'est-à-dire transcendant, parfait. Voilà. Et alors, autre remarque qui n'est pas intéressante de ce point de vue-là aussi, c'est que le terme courant scientifique, mais qui est un terme assez connu, c'est pas un terme technique, pour désigner, pour traduire monothéisme en chinois, donc Yi Shen Lun ou Yi Shen Jiao, Yi c'est un, Shen donc Dieu, Lun discours, théorie, hein, ou Jiao enseignement, religion, hein, donc le terme est très, paraît très logique comme traduction, elle est de soi. Je n'ai pas trouvé une occurrence dans la littérature classique. On a des bases de données qui brassent des centaines de milliers d'ouvrages, donc on sait chercher maintenant, pas trouvé. Voilà. Donc on a une sorte de réalité monothéiste, et puis en même temps, sans doute, une réalité qu'on peut qualifier de monothéiste, et en même temps une très grande difficulté à la nommer en tant que telle. Dernier point, il y a quelque chose de peut-être pas totalement séparé, mais qu'on peut envisager de façon distincte de l'introduction de l'idée de monothéisme en Chine, c'est l'introduction du désir de monothéisme. Et là, on a quelque chose de tout à fait intéressant, qui commence sans doute avec les jésuites, et notamment les figuristes, et leur désir de trouver un monothéisme chinois originel, qui est allé chercher des choses un peu bizarre, un peu ésotérique, aller faire des lectures de certains termes pour y trouver le nom de Yahvé ou des choses comme ça, plutôt que de reprendre la théologie émanatiste que j'évoquais tout à l'heure et l'interpréter comme une sorte d'intuition d'avant la révélation, une intuition du Dieu créateur. Donc ce fantasme d'avoir notre monothéisme à nous, originel, qui se serait un peu perdu, qui se serait dégradé par la suite, il reste très présent aujourd'hui, donc on le trouve chez certains auteurs qui essaient de relire de façon très créative, hein, donc les classiques, les textes les plus anciens, cette lumière-là. C'est aussi le cas en Corée, on relit les textes les plus anciens pour inventer une divinité primordiale qui aurait montré la supériorité morale de la culture coréenne, qui aurait ensuite été pervertie par l'enseignement des Chinois, etc. Voilà, donc je crois que ce désir de monothéisme, il est très présent dans l'histoire religieuse chinoise. Je pense que c'est un objet qui mériterait aussi d'être étudié en tant que tel. C'est avec Vincent Gossert, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, que nous concluons momentanément cette thématique, avant de la reprendre demain et de découvrir un tout autre éclairage philosophique. Celui-ci en compagnie de Pierre Vesperini, chargé de recherche au CNRS. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.